الحمد لله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكما تعلمون نحن نقدم على أيام فاضلة وأيام عظيمة لا سيما يوم عرفة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفر فيه لمن صامه سيئات السنة القادمة والماضية وهو أعظم يوم السنة ثم يليه يوم النحر يوم الأضحية ثم يليه أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. Donc comme vous le savez, nous avons devant nous des jours de grand mérite. Entre autres, parmi eux, nous sommes déjà dans les jours de grand mérite, qui sont les Ashar min Zilhijjah, d'accord, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année, préférés auprès d'Allah Azza wa Jal, ceux durant lesquels les œuvres pieuses sont préférées auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et en plus, pour couronner le tout, ces jours se finissent par le jour de Arafat et le jour de Nahar, le jour du sacrifice, puis suivi des trois jours de Tashriq. Donc le jour de Arafat, c'est demain. Et c'est un jour où il est fortement recommandé de jeûner, car celui qui jeûne durant ce jour verra ses péchés de l'année passée expiés. S'il évite les kaba'ir, tant bref, ce n'est pas dans l'absolu. Et quant au terme disant qu'il expie les fautes de l'année à venir, ça c'est un qawl qad nabbaha alayhi ba'd al-ulama annahu fihi kalaman, qui est à revoir, car en réalité, les péchés à venir effacés, cela est min khasa'is al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les particularités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète avait des khasa'is, des particularités. Certaines étaient communes et d'autres étaient propres à certains biens. Et parmi celles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah lui a pardonné ses fautes passées et celles à venir. Donc de là, certains ulama ont remis en question ce terme dans le hadith que Arafat expie les fautes à venir, qui n'ont pas encore eu lieu. Wallahu ta'ala alam. Puis, suivra le jour de Nahar, le jour du sacrifice, le jour du Eid, comme vous le savez. Le jour du Eid, qui est un jour azim, et al-zabh, izalika al-yawm takaruban ila Allah azza wa jal sunna mu'akkada. Le fait de faire un sacrifice pour ce jour-là, c'est une sunna fortement recommandée pour qui en a la capacité financière. C'est-à-dire que ce dhabh, ce sacrifice, n'est pas obligatoire. Mais quoi qu'il en soit, que les gens n'oublient pas pourquoi Allah Azzawajal les a créés et que tout ce qui est dépensé pour Allah subhanahu wa ta'ala, fait dans Allah yukhlifu, que Allah le remplacera. Donc il n'y a pas de perte. D'accord ? Et celui qui a les moyens, qu'il le fasse. Ce sera tout à son avantage, yawm al-qiyama. L'an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala yadba al-mayyit salas wa yarja isnan. يربى الميت أهله وماله وعمله ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. Que le mort, chose qui nous arrivera à tous, de mourir, est suivi par trois choses. Sa famille, ses biens et ses proches. Ou plutôt, ses actes. Non. Et reviennent deux choses et n'en reste qu'une avec lui. Sa famille repart. Ils refont leur vie. Ses biens repartent. Ils sont distribués, soit par héritage, soit par sadaqa, ou soit par ce qui s'ensuit. La seule chose qu'il a avec lui dans sa tombe, ce sont ses actes. Donc personne ne doit être avare envers les actes, surtout sous prétexte de « c'est cher, c'est cher, c'est cher ». C'est cher. Mais yom al-qiyama, ce sera un grand bénéfice. Et certains même auront pu le faire et regretteront de ne pas l'avoir fait. Et surtout, à savoir que combien de sommes d'argent on dépense dans les choses inutiles au long de l'année. Donc, un effort pour faire un sacrifice en guise d'adoration n'est qu'à notre profit. Il n'y a aucune perte. D'accord? Faire le Hajj, faire la Umrah, faire le Dhabh, faire des Sadaqas, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a aucune perte tant que la niyyah elle est bonne. Et cette sunna du Dhabh, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Les Sahaba l'ont fait. C'est une sunna mu'akkada, comme on dit. Puis viendra après ce jour Ayyam Tashriq, les jours de Tashriq, qui sont, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des jours de manger et de boisson et de zikr d'Allah azawajal. C'est les jours durant lesquels les musulmans font des festivités légiférées, durant lesquelles, alhamdoulilah, ils mangent, assiettés, ils boivent, ils se font plaisir. Et bien évidemment, ils n'oublient pas que cela est fait pourquoi? En guise d'adoration. Ce n'est pas par simple plaisir. Il y a une niyyah à mettre derrière également. Il y a des jours qu'Allah azawajal nous a accordés pour nous réjouir, pour profiter des bienfaits de ce bas monde. Halal. Car nous n'avons que deux Eid, comme vous le savez, qui sont Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Donc, ces deux Eid que nous avons nous suffisent amplement et à nous d'en profiter, plutôt que d'aller nous éparpiller à prendre les Eid des gens qui ne sont pas de nous et nous ne sommes pas d'eux. Des Eid qui n'ont aucun fondement. D'accord? Tu verras peut-être des gens parmi les musulmans avoir plus de joie durant les fêtes de fin d'année que d'avoir. Comment dirais-je, se prépare plus pour les fêtes de fin d'année que pour cette fête qui est la nôtre, ou ces fêtes qui sont les nôtres. Tu les vois participer aux fêtes des koufars, les anniversaires, les jours de l'an, les jours de ceci, les jours de cela. Alors que nous n'avons que deux rides. Donc il faut en profiter et ne pas être comme les koufars qui, eux, ne font, ont fait de ces arièdes, qui sont les leurs, des jours de commerce, profit mondain, purement mondain. Aucun ruh, dini, aucun esprit spirituel, aucun esprit d'adoration, de dévotion. C'est purement du plaisir. Nous, non. On peut prendre autant de plaisir qu'eux, tout en prenant des kazadik la récompense. Ben, eux, ils pensent qu'au plaisir. Et nous, ces jours-là, ont été décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le rappelle toujours, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc chacun fait l'effort, comme il peut, taïeb, de faire ses actes, et qu'il sache que cela, il n'est pas perdant. Pas du tout. Bien au contraire. Comme on dit Ta'ala, « Oman ya'malan salihan min zakarin a unsa, ou mu'minun, falunhiyannahu hayyatan tayyiba. » Ceux qui font des bonnes œuvres en ce bas monde, parmi les hommes ou les femmes, et qui sont croyants, nous leur ferons vivre une bonne vie. Donc ce genre d'actes sont les causes pour avoir une bonne vie. D'accord? Une bonne vie, c'est-à-dire une vie basée sur la religion, en conformité avec le Kitab et la Sunna. Non. Taïb. Fa fi ders ma'adin akhazna babayn wa ahaduhuma min a'zab ma yakun wa huwa butlan ad-da'wa ila wahdat al-adyan. La fausseté de l'appel à l'unité des religions. Donc on se rappelle que toute personne min awal soel, une question. La communauté se divise en combien? La communauté humaine, même les djinns, de façon générale. Alors, au moins du prophète. Est-ce qu'on se divise en combien? Dès qu'on dit Hadi Ummah, ça veut dire que c'est des musulmans? Ah, il y a deux. Mahouma, qui sont-ils? Les musulmans, les kafirs. Ah, mais comment on dit que des koufars sont de la Oumma? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Ahsant. Hadi Ummah ad-Da'wa. C'est la Ummah qui était appelée. Celle de l'appel. Et la deuxième Ummah, quelle est-elle? Elle est plus facile que la première. Mmh. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Cette communauté n'est qu'une seule, elle est votre communauté, je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Quelle est-elle? Non. Ça c'est Ummat al-Istijaba, ceux qui ont répondu à l'appel. Ce sont les croyants. Non. Et toute personne de l'autre Umma, Da'wa, qui a entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, et n'a pas répondu, c'est-à-dire ne s'est pas ajouté, qui n'est pas entré dans la Umma de Da'wa, ou la foi de l'Istijaba, et bien il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'ils seront des gens du feu. Qui qu'il soit. Donc, est-ce qu'un Yahoudi, c'est un croyant? Un Dak? Un Juif, c'est un croyant? Un Nasrani, chrétien, c'est un croyant? Non. S'il croit que ça s'accapare, mais la foi que Allah Azzawajal a légiféré, ils ne sont pas dedans, ils ne l'ont pas. Mais il dira même, il la combat et s'y oppose. Cette fois, Hadal Iman, ça va venir un peu sur le hadith, il va venir le hadith de Jibril, comme on l'appelle, Ali Salam. Il va venir, Inch'Allah. Je voulais le faire aujourd'hui, mais faute de temps, on ne prendra qu'un seul hadith. Normalement, il était prévu pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, on se contentera juste du hadith, du 11e hadith. Taïeb. السؤال عندك هذا كان الباب الثاني deuxième باب تيتي با لا مش تاتيروش كان ميم تي فاصل سافوار اين الله السماء او سيو وقال الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم ها ماذا سمعت ايوه خوفتني طيب نعم قال الله عز وجل il est aux cieux. C'est-à-dire au-dessus des cieux. Et dans les versets où il dit qu'il est avec nous, c'est par son savoir, et par son soutien, et par sa compagnie, lakin par son ilm, et non pas par son essence. Laisse bizati, lakin bi ilmi. Lien Allah azza wa jal bizati, faut que arshi. Donc, al-ulu, min sifatillah. Al-ulu, c'est le fait d'être en hauteur. ومن صفات العلو يشتق منه اسم حتى اسم من اسماء الله مشتق من العلو اسم يدل على صفات العلو اسم من اسماء الله ماخوذ من العلو من اسماء الله العلو صفة صح طيب الآن نريد اسما مشتقا من هذه الصفة من أسماء الله عز وجل الأعلى مأخوذ من علو معك واحد آخر تنا نطخ من صفة العلو نطنض الله عز وجل العلي العلي مأخوذ من العلو فهمت؟ دونك العلو بصفة الله عز وجل والعلو سيت إليفاسيون العلو يكون على ثلاثة أقسام ثلاثة كاتيجوري في علو الذات علو القهر وعلو الشأن. Il y a trois formes de ulu, d'élévation, dont deux sont unanimement reconnues et la troisième n'est reconnue que par les gens de la Sunna. Donc c'est le fait d'être élevé. Il y a ulu et shan, que le Allah Azawajal a le statut le plus haut. Là-dessus, personne ne diverge. Il y a ulu al-kahar, que Allah Azawajal domine tout. Là-dessus, il n'y a pas de khilaf non plus. Là où il y a un khilaf, c'est ulu al-zat, que Allah il est au-dessus. Les gens de la Sunna l'affirment, les gens de la Bida ne veulent pas l'affirmer. Car pour eux, dire que Allah est au-dessus, implique de mettre Allah dans un lieu, et un lieu est forcément une création, et que Allah est exemple de cela. Et cette réponse est la même que pour toutes les sifat. Quand on attribue Allah Azzawajal, plutôt qu'Allah s'est attribué, et qu'on reconnaît, que ce soit les sifat fi'liya, ou sifat zatiya, et minha, al-khabariya, les sifat qui sont liés à ses actes, les sifat qui sont liés à son essence, et les sifat dont Allah Azzawajal nous a informés, qu'on pourrait savoir sans un texte, comme le fait que Allah Azzawajal, il a deux yeux, qu'il a deux mains, qu'il a des pieds, qu'il rit, qu'il se met en colère, ainsi de suite. D'accord ? Et tout cela, quand les gens vont dire, mais si vous attribuez cela à Allah, Allah, vous faites ressembler à la créature. On dit non. On affirme ce que là, il a affirmé. Et le comment est ignoré. Et dit, si vous, vous avez refusé cette stifale, c'est que vous avez fait ressembler à Allah la créature. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous avez annulé la sifate. Parce que vous avez fait, on vous a dit par exemple que Allah, il a une main. Vous êtes parti, vous imaginez une main comme celle de je ne sais qui, ou de je ne sais quoi. Donc vous avez fait un tamthil, vous avez fait un exemple, chose qui est interdite, et vous avez dit donc, ça implique que la main d'Allah, elle est comme ça, donc c'est pas possible qu'Allah ressemble à sa créature. Alors que nous, les gens de la sunna, on a reconnu qu'Allah a une main, et on s'est arrêté, on n'a pas fait tamthil, on n'a pas cherché à représenter la main comme elle est. Le mot main, le sens, on le connaît. On s'est arrêté là. Et on dit qu'Allah, il a dit qu'il a même deux mains droites, on dit qu'Allah a deux mains droites. Qui sommes-nous pour aller discuter ce qu'Allah il a dit à son sujet? D'accord. Donc c'est ça la différence qu'il y a, c'est que ces gens-là, avant d'annuler, ils ont représenté. Ils ont cherché un comment. Ils sont mis une image. Et de là, ils sont perdus. Et ils sont tombés dans ceux qui veulent nous reprocher d'avoir fait ce qu'on appelle du tajsim, ou tamsim, hein, qu'on appelle en français anthropomorphisme. Ils ont médité sur l'être d'Allah. C'est ça. Et ça, c'est interdit. Un tafakkur fi zatillah ou fi sifatihi alashi mamnoua. On n'a pas à réfléchir dans ces choses-là parce qu'on va se perdre. Nous, on entend, on croit, on s'arrête là. Leïsa kamislihi shei ou wassami al-basir. Il y a un qui est comme lui, il est parfaitement audient et clairvoyant. Taïb. Donc, toujours dans Beb. Sifatillah Azzawajal. Aujourd'hui, on va prendre un hadith qui est le 11e hadith. Bab al-Qur'an kalamullahi ta'ala. Que le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qur'an. Différencier entre le Qur'an et le Mus'haf. Des fois, le Mus'haf, on appelle Qur'an. Tajawuzan. C'est pas dramatique, c'est pas interdit de dire que d'appeler un Mus'haf Qur'an. Mais de base, le Coran, c'est un attribut d'Allah Azzawajal. D'accord ? Et Allah Azzawajal, takallama bihi, wa awhahu ila Jibril, wa awhahu ila jami'al anbiya, yani kalam Allah. Wa le Coran bizatihi, wa le kitab alazi nuzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi kalam Allah. Et vous laissez kullu kalam Allah. Kalam Allah awsa, wa awsa, wa awsa min zalik. Donc le Coran, ce qu'il y a dedans, c'est la parole d'Allah Azzawajal qui a créé. Et Allah Azzawajal, يتكلم بما شاء كيف ما شاء بصوت يسمع إذا شاء. Car Allah Azzawajal, il parle comme il veut, quand il veut, avec une voix, et qu'il fait entendre à qui il veut. Et Allah Azzawajal a parlé à plus de Anbiya. وكلم الله موسى تكليما, et que Allah a parlé à Moussa de vive voix. Et ainsi de suite. Et le Coran, la parole d'Allah Azzawajal, bi lisanin arabiyin mubin, dans une langue arabe qui est claire. Le Coran, ce n'est pas ce que les gens lisent dans une autre langue. Les ajim, nous, entre autres, non-arabes, pour ceux qui ne le sont pas. Et parmi les ajim, le Coran, ma'nahu katurjima filorat. Tufham anda ahliha. Les sens du Coran ont été traduits dans différentes langues. Français, allemand, anglais, indonésien, et ainsi de suite. Même dans du créole. D'accord ? Même dans du créole. Et ce contenu traduit n'est pas la parole d'Allah. Donc quand quelqu'un lit ces écrits-là, quelqu'un par exemple qui n'est pas l'arabe, et il lit le Coran dans la langue qui est la sienne, on lui dit, tu as lu une traduction des sens. Mais ce que tu as lu n'est pas le Coran. Tu n'as pas la récompense de chaque lettre prononcée. Tu as la récompense de l'effort que tu as fourni pour pouvoir comprendre, mais l'achec, c'est un effort que tu as fait toujours. Mais qira'at al-Qur'an al-ma'jura hiya allati takun bil arabiyya hiya huwa kalamullah. Celle qui est qui a les récompenses citées dans les hadiths, c'est le kalam d'Allah, le kalam d'Allah azza wa jall bil Qur'an bil arabiyya. C'est en arabe. D'accord, c'est en arabe. Quand tu lis le Coran pendant Ramadan, tout ce qui s'ensuit, quelqu'un a dit, ouais, j'ai lu le Coran 10 fois pendant Ramadan. Il dit, en quelle langue tu l'as lu? Il dit, je l'ai lu en anglais. Il dit, c'est pas le Coran que tu as lu. Tu as lu le sens du Coran. D'accord? Et donc, tu n'es pas considéré comme les gens qui ont clôturé le Coran plusieurs fois pendant Ramadan. Tu n'en rentres pas dedans. Maintenant, on le dit, il ne faut pas non plus qu'ils espèrent, qu'ils croient que c'est... On dit, tu as fait un effort, malgré tout. Mais la récompense citée dans les hadiths, ce n'est pas comme ça. Donc, ça incite les gens à apprendre à décrypter l'arabe. Ceux qui ne savent pas lire et écrire l'arabe, de savoir ce qu'il peut avoir le ajr, même si tu ne comprends pas le sens en soi, eh ben, tu lis, tu as la récompense. D'accord? De toute façon, à la base, il y a un minimum à voir. Avec lire la Fatiha, il faut que tu saches prononcer correctement. Car c'est un pilier de ta salat. Et c'est obligé que tu la récites. Sans quoi, ta salat, elle est partie là. À part pour au début, quelqu'un qui ne connaît pas. Mais après, ça, c'est l'affaire de quelques jours. D'accord? C'est un effort à fournir. Et quelqu'un qui a un certain temps en islam, parmi les hajim, et qui ne sait pas lire la Fatiha, c'est une grande négligence de sa part. Il doit obligatoirement apprendre les Fatiha. Il y a subhanallah, il y a des gens, ils arrivent à ils ne parlent pas l'anglais, et tu sortes des paroles de chanteurs en anglais, dans d'autres langues, en toute aisance. Et quand on vient parler d'islam, Fatiha, ah, j'y arrive pas, c'est dur. 7 versets. 7 versets du Coran, tu n'arrives pas à les apprendre, mais tu as acheté une chanson par cœur de un tel et un tel d'une langue qui n'est pas la tienne. C'est radible quand même. Donc ça, c'est une grande faute. فقال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Il a dit جابر رضي الله عنه que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il s'exposait aux gens de les voir les gens pour la da'wah. Et il demandait, il cherchait en fait protection. Des gens qui puissent se tenir dans son darwa, qui le protègent. Il a dit qu'à Quraysh, qui était sa tribu à lui, m'empêche de transmettre la parole de mon Seigneur. M'empêche de transmettre la parole de mon Seigneur. Rawahu Abu Daoud. Rawi, c'est Jabir. Ibn Abdillah. Ibn Amr, Ibn Haram, Al-Salimi, Abu Abdillah, c'est sa kunya. Al-Ansari, c'est un Ansar. C'est-à-dire parmi les gens de Médina. Et c'était un homme dont le père lui avait dit, avant Uhud, qu'il sera, l'avait vu en rêve, qu'il serait le premier à se faire tuer. Si je ne confonds pas avec Hudhaifa, parce que les deux histoires se ressemblent un peu, mais il me semble que c'est Jabir. Et il avait plusieurs filles, il avait dit à Jabir, prends soin de tes petites sœurs. Si il quoi que ce soit, c'est toi qui deviens l'homme, prends soin de tes petites sœurs. Et Jabir, radiallahu anhu, d'ailleurs, par la suite, son père a été enterré avec un autre homme dans une tombe, et Jabir n'a pas ahadha fi nafsi, et quelques temps après, il a voulu déterrer son père et l'enterrer dans une tombe seule. En le déterrant, son père était intact. Intact. Et il était dit que Allah Zawajel a parlé également à Jabir. Au père de Jabir. D'accord? Il lui a parlé. Quoi qu'il en soit, le père de Jabir l'a retrouvé intact. D'accord? Et de là, certains ulama ont dit que An-Nashuhada al-Ard la ta'kul ajsamahum, que les martyrs, la terre ne mange pas leur corps. Et ça, en fait, c'est pas un dalil. Tu peux être un shahid et ton corps, il a disparu. C'est une chose qu'Allah accorde à qui il veut, parmi ses awliya. Et même tu peux être un wali d'Allah et ton corps, il a disparu. Quand on ne peut pas dire, ouais, il n'y a que les os, c'est-à-dire que c'est pas un wali. Non. Mais si tu vois un corps intact, c'est sûr que tu as affaire à un wali. Et des gens, quand ils touchent Hidou, ou Akalat al-Ard, Ashtamahum. Il y a des gens, ils étaient des martyrs, des vrais, et leur corps a été consumé par la terre. Ouais, allez, comme ça. Donc l'histoire de Jabir en soi n'est pas un délire pour dire que tout shahid, d'accord, que son corps va rester intact sur le déterre. Non. Mayalzad. On n'a pas un hadith, c'est un fait qui s'est passé, et ce fait en lui-même n'est pas une hujja. On dit c'est arrivé au père de Jabir, ça ne veut pas dire que toute personne à qui cela est arrivé, qu'il est mort shahid, qu'on va retrouver son corps forcément. Là, Mayalzad. Donc, le père de Jabir avait enjoint Jabir de prendre soin de ses petites sœurs. Par la suite, Jabir s'est marié. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abikrun tazawajta am sayyib. Abikrun tazawajta ou sayyiban. Il a dit, tu t'es marié avec une bikr ou avec une femme qui a déjà consommé, qui a déjà connu le mariage. Il a dit sayyib. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi n'as-tu pas pris une bikr avant que tu puisses jouer avec elle, jouer avec toi, ainsi de suite. Surtout qu'il était jeune, Jabir. Il a dit, mon père m'a laissé 7 filles en bas âge et je n'ai pas envie de ramener une femme qui soit comme elle. C'est-à-dire, il me faut une femme expérimentée qui puisse prendre mes sœurs en charge. Donc ça veut dire qu'il a fait passer sa maslaha et ce que son père lui a recommandé en premier. Il aurait pu prendre une bicle. Il était en âge, c'est recommandé d'ailleurs. Ce hadith est une preuve qu'il est mieux de prendre une bicle pour celui qui peut. Mais après, les gens diffèrent. Chacun a des différentes attentes et différentes situations. Et certains pourraient dire, moi, c'est pas une bicle qu'il me faut. Dans ma situation, moi, il me faut une femme, par exemple, expérimentée, d'un certain âge, kazakada. Mais le base qui est recommandé pour l'homme, c'est la bicle. C'est ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Parce que souvent, la bicle, elle s'accroche encore plus à son époux jusqu'à la fin. Elle est plus affectueuse. Et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'une seyyib ne peut pas le faire. La preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa première femme, qui était il a eu les deux. Les plus aimés auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija et Aïcha. Khadija n'était pas bicle. Elle n'était pas jeune. Aïcha était bicle, elle était jeune. Donc dans les deux, tu vas trouver... Tant que la femme, elle est zat et din, c'est une femme de religion qui est pieuse, tu vas trouver ton bonheur. C'est là qu'il faut que tu choisisses en premier. Qu'elle soit bicle ou seyyib, choisis une femme de religion. Ah, mais tu vas prendre une bicle ou autre qui n'est pas de religion, tu n'auras que des problèmes. Par la suite, tu ne seras pas heureux. Donc les gens, chacun, chaque homme, voit sa maslaha par rapport à ça. D'accord ? Et certains peuvent vouloir des femmes plus mûres, plus matures, et d'autres, c'est ce qui est en général que les hommes préfèrent, c'est des femmes plus jeunes. Et qui faisaient une bicle. D'accord ? Une bicle. Donc Jabir, radiallahu anhu, a vu son intérêt par rapport à ses petites sœurs et a pris une femme seyyib. C'est-à-dire expérimentée, qui connaissait les enfants, qui pouvait se charger d'elle, les coiffer, les habiller, ce qui s'ensuit. Wa zamin bir abihi. Ça, c'est parmi la bienfaisance dont il a fait preuve pour son père d'avoir fait cela. Jabir, radiallahu anhu, est devenu aveugle en grandissant, en prenant de l'âge. Et il a rapporté 1145 hadiths. 1145 hadiths. Donc c'est parmi les grands rapporteurs de hadith. Les Muksirin. Tayyib. Donc dans ce hadith, on prend en charge les kalimates. Yu'alidu nafsahu ala nas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'exposait aux gens. Il allait vers les gens. D'accord. Bil mawqif. Ay bil mawsim. Ay mawsim al hajj. C'est-à-dire qu'ils venaient les jours où les gens se rassemblaient comme le jour du Hajj. Car les gens de la Jahiliya faisaient le Hajj également. Le Hajj, c'est une chose qui était déjà faite par les gens d'avant. Ce n'est pas l'islam qui a porté le Hajj en soi. Dans l'islam, on avait peut-être eu certains rites particuliers, mais le Hajj existe déjà. Et le Hajj existait dans les autres communautés déjà auparavant aussi. Donc lorsque les gens venaient pour le Hajj, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait les voir pour leur demander qui serait en mesure de pouvoir l'accepter, le protéger. D'où les Ansar al-Medina qui ont été les premiers à remplir cette mission. D'où le fait qu'il y a eu la promesse et par la suite, pour faire la hijra, ils avaient où se rendre. Yaqul, donc il cherchait une personne qui le protège. Car Quraysh faisait obstacle à sa da'wah. D'accord ? Et ça, c'est min sunnat, sunnatillah azawajal fi anbiya'ihi, qui seront pris en ennemi et qui plus est par leur propre peuple. C'est pour ça que on répète tout le temps et tout le temps aux frères et aux sœurs, notamment en France, de cesser de se plaindre et de vouloir combattre ce qu'ils appellent l'islamophobie. C'est un combat qui est inutile. Et ce n'est pas un combat que Allah nous a demandé de mener. Et ce qu'ils appellent l'islamophobie, c'est tout simplement un fait qui est tout à fait normal dans le fait que celui qui est croyant aura des ennemis devant lui. Il n'y a aucun texte qui te dit qu'il faut que les koufars les t'aiment. Ils ne t'aimeront pas. Donc ça a rien de pleurer, oui, ils ne nous aiment pas, l'islamophobie, ils ne t'aiment pas. Et Allah dans le Coran te dit qu'ils ne t'aimeront pas, tant que tu ne seras pas comme eux. Donc ça ne sert à rien de vouloir mettre en place des choses que Allah dit à Qaddar qu'elles n'arriveront pas. Allah a Qaddar que les koufars, ils vont te combattre, ils ne vont pas t'aimer. Certains, ils vont te combattre par les armes, certains par la parole, certains par l'injustice. Car les koufars de base sont injustes. Donc ça ne sert à rien de pleurer pour une chose que tu as été averti, elle va t'arriver. D'accord ? Comme quelqu'un, je ne sais pas, il va, on lui dit, jeûne Ramadan, pour qu'il jeûne, j'ai faim. Ouais, bah c'est ça le sixième. C'est rien, c'est pour avoir faim. Ah, mais j'ai soif. Mais c'est ça le sixième. C'est pour que tu vas avoir soif. Je suis fatigué, c'est ça le sixième. Quand tu sais que tu vas jeûner, tu sais ce qui t'attend devant toi. C'est ça l'épreuve, c'est ça le mérite. Donc quelqu'un dit, je suis musulman, moi, il ne m'aime pas. Bah oui, c'est ça être musulman, c'est que les koufars ne vont pas t'aimer. Tu vois. Et toi, tu dois vivre avec cela. Et malgré tout, cette haine qu'ils ont envers toi ne doit pas te pousser, toi, injuste envers eux. Ne rends pas le mal par le mal. Ouais, idfar billati ihsan, comme encore le Ta'ala, repose de la meilleure façon. Et ton combat à toi, c'est quoi? Déjà en premier lieu, el stikama fi nafsik, te préserver toi et ta famille. Ya yu lazina manu ku anfusakum alaykum nar. Vous qui avez cru, protégez vos propres personnes et vos familles. Première chose, tu adores Allah Zawajel et après, à ton niveau, tu appelles à l'islam. On ne te dit pas, fais-toi aimer par les koufars, ils ne t'aimeront pas. D'accord ? Alors, tu n'as pas le droit de te faire aimer par eux et de vivre avec eux le bon vivre. Ou... Non, ça, c'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est justement, tu te désavoues d'eux, tu te différencies d'eux et tu leur fais comprendre le mal qu'ils font. Ah, moi, tu vis avec eux main dans la main, tu vas aller nulle part comme ça. Et c'est ça que les gens aujourd'hui, quand ils parlent d'islamophobie, c'est ça qu'ils veulent dire par là. On veut vivre avec vous et être égaux. Alors que tu n'as pas le droit de vivre avec eux et d'être égal avec eux. Si ce n'est en faisant un pas de ta religion. Et à partir du moment où tu vas faire un pas de ta religion, eh bien, ils vont encore moins t'aimer. Ça va le soi. Par contre, tu as peut-être des gens, ils vont pas t'aimer, mais ils vont te laisser faire. Certains, ils sont pas, on va dire, ils n'ont pas une hostilité agressive. Tu vois. Et la plupart vont faire en sorte de te mettre des bâtons dans les roues. Donc, on le dit encore aux gens, arrêtez de pleurnicher. Islamophobie, sans des koufars, donc c'est normal, ils ne t'aiment pas. Ça y est. Donc, ne viens pas ici chez eux t'imposer et dire on veut ça. Tu n'auras que ce que l'argent et la candale que tu vas avoir. Et ton combat, ce n'est pas d'avoir du halal à la cantine. À la base, tu n'as pas été dans leur école. Ton combat, ce n'est pas d'avoir le hijab pour aller faire du foot. À la base, tu n'as pas allé jouer au foot. D'accord ? Ton combat, ce n'est pas d'être videur avec ta barbe. Tu n'as pas été videur. Et ainsi de suite. D'accord ? Ton combat, ce n'est pas de vouloir avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Tu n'as pas joué avec leurs lois. Tu n'as rien à faire là-dedans. D'accord ? Ton combat, ce n'est pas d'aller voter pour. Mélenchon, je ne sais qui, t'as pas à voter. Les votes, tels que le conçoivent, ne sont pas permis dans la religion. La démocratie, c'est pas dans l'islam. Donc, vous vous battez pour des choses à la base qui ne vont pas permises de base. Ils veulent des droits qui ne leur reviennent pas même en islam. C'est-à-dire, même dans un pays islamique, tu n'auras pas le droit de le faire. Comme tu le fais là. Donc, que dire chez les koufars ? Tu vois ? Et comme on dit, les gens ne se battent que pour leur ventre et pas pour le tawhid. Le droit d'Allah Azawajal, il est en dernier. Ils veulent leurs droits à eux. Ou du moins ce qu'ils pensent être leurs droits, qui ne sont pas des droits. Ce sont des caprices. Vous voyez ? Ce sont des caprices. Des caprices d'enfants gâtés. Et le vrai combat, c'est appeler le tawhid. Et de rester mustaqim autant que possible. Voilà, tamutunna illa wa antum muslimun. Et qu'il y a des gens, juste pour avoir leur droit, on entend des choses tellement immondes dans la bouche de certains muslimines, juste pour avoir ce qu'ils pensent être leur droit, des paroles de ridda, d'apostasie, des paroles de zandaka, d'hypocrisie, pour avoir ce qu'ils pensent être leur droit. Donc avant ton droit à toi, le droit d'Allah Azawajal. Et ton droit à toi auprès d'Allah Azawajal, c'est Allah yu'adhib man la yushriku bihi shay'a. Que Allah Azawajal ne châtiera pas. Ça, ton droit à toi, c'est que Allah ne te châtiera pas si tu l'adores sans rien lui associer. Et en plus, quand on dit droit, c'est pas une chose qu'Allah te doit, c'est une chose qui s'impose à lui-même. Par rahma pour toi. Et ensuite, ce que tu peux avoir qui t'est correct et qui ne transcende pas la religion, prends-le. Mais sans en faire un combat majeur. Ton combat majeur, c'est celui-ci. Adorer Allah sans rien lui associer. Et donne-toi le moyen de le faire. D'accord ? Il faut que tu donnes ton combat, c'est de donner le moyen d'adorer Allah sans rien lui associer. De suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, tous les autres combats, c'est que du vent. C'est que du vent, les autres combats. Se battre pour les droits de la femme, se battre pour les droits des noirs, se battre pour les droits de ceci, les droits de cela, les droits des enfants, hein, l'écologie, et je ne sais quoi. Tout ça, c'est à la base, ça rentre dans l'islam. Tout le monde a son droit dans l'islam. La femme, elle a son droit dans l'islam. L'enfant, elle a son droit dans l'islam. L'islam, il a son droit dans l'islam, comme je disais il y a quelques jours. Les couleurs, chacun par rapport à son ethnie, il a son droit dans l'islam. Pas faire un combat au-dessus de ce qu'il mérite. C'est une perte de temps. Et ça amène à Hizbi, à sectarisme. C'est-à-dire, celui qui est avec toi, c'est ton allié. Celui qui n'est pas avec toi, voilà. Il n'est pas dans le combat, lui. Et alors? Tu vois? Et ça crée, c'est ça, ça crée tous ces organismes, tous ces partis, tous ces groupes. Parce que le combat, c'est pas le tawhid. Tu vois? C'est pas le tawhid. Faqal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa Quraysh les ont empêchés de retransmettre le message. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti crier ce sont des islamophobes, Quraysh? Ils m'empêchent. C'est pas ils m'empêchent de faire des choses de la dunya qui font plaisir, c'est ils m'empêchent de faire da'wa. Donc les gens qui seraient le plus amenés à devoir se plaindre sont les prédicateurs. Et pourtant, excusez-moi le terme, aujourd'hui ce sont les plus gros vendus, c'est eux. Les plus gros vendus, ce sont les gens qui parlent de l'islam de façon générale. Qui font le plus de concessions, ce sont eux. Et qui ouvrent les portes aux gens à l'égarement, ce sont eux. Pourquoi? Pour te permettre de pouvoir vivre au milieu des kofars. Vivre tranquille. Malheureusement, alors d'appeler les gens justement à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé, et pour preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de protection pour ce qu'il faisait. Tu as des gens, ils ont des problèmes, ils disent qu'ils font de darwa, dès qu'ils ont des problèmes, ils font une cagnotte pour appeler un avocat. Pour défendre mes droits. Mais t'as pas compris, toi. T'as pas compris. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il ne pouvait pas faire darwa? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. T'as des gens qui disent, ouais, la hijra, c'est pas la solution à tout. Ah ouais. La solution à tout, c'est le tawhid. Sans aucun doute. Et cette tawhid, il faut que tu le concrétises et que tu l'appliques. En France, tu ne pourras pas. Tu peux dire ce que tu veux, tu ne pourras pas. La yumkin anta kum bi tawhidil azza wa jal ala waljid tam fi hada zaman fi hada albalad. Déjà, en pays d'islam, c'est dur. C'est une réalité. Tu vas dans des pays d'islam, tu as du shirk devant toi et si tu appelles le tawhid, tu vas prendre des durous. Peut-être que tu n'auras pas en France. Ça va, c'est pas vrai. T'as des endroits, les gens ils font du shirk, tu vas leur dire tu vas appeler au tawhid, ils vont te massacrer. Chez des gens qui se disent musulmans. Certes. Et malgré tout, en toi-même, tu pourras le faire. Biznillah ta'ala. Donc te faire croire que le combat principal, d'accord, tout le monde va te dire oui, c'est le tawhid, on est d'accord avec ça. Et c'est quoi les moyens qui mènent à pouvoir appliquer le tawhid et y appeler? En France, t'en as pas. T'en as pas en France. C'est une réalité, t'en as pas. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah, tu pars. Dès que tu peux partir, tu pars. Donc, quand on t'entend ce blabla, ouais, que c'est pas la solution à tous les problèmes, tu vois. En tout cas, on dit que c'est la solution au plus gros des problèmes. Si elle résout pas 100% des problèmes, et c'est vrai, elle va en résoudre peut-être, allez, 80% pour celui qui est en pays de coffre. Bizni latéral. Après, tu auras d'autres problèmes, hein, certes. On te dit pas que tu fais les jira, khalas, t'as gagné, t'auras qu'une vie tranquille. Non, tu seras encore plus éprouvé par la suite. Mais dans les choses qui sont valables. Pas ton hijab pour aller jouer au football. Pas tabac pour travailler à Carrefour. Non, c'est pas ça ces problèmes. Tu auras d'autres problèmes. Mais des problèmes dignes d'un croyant qui vont t'élever le bismillah ta'ala en degré. Comme encore le ta'ala. ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. Donc vous éprouvez, c'est parce qu'on connaît ceux qui luttent vraiment et ceux qui sont patients. Donc jusqu'à la fin de ta vie, tu seras éprouvé. Que tu sois à New York, que tu sois à Paris, que tu sois à El Medina ou à Mecca, tu seras éprouvé. Cependant, tu auras une épreuve digne. Ah ben, si tu as des épreuves, elles sont humiliantes. Elles sont rabaissantes. Et tu sais que tu dis, j'aurais été dans un pays d'islam, on m'aurait pas fait ça. J'aurais d'autres épreuves, mais pas celle-ci. Malheureusement. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cherché des gens qui le protègent pour sa da'wa et qu'il a trouvé par la suite les Ansar. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti les rejoindre. Il a fait sa hijra. Et le shahid, il dit que Quraysh mana'ouni anubalir kalam rabbi. Que Quraysh m'a empêché de retransmettre la parole de mon Seigneur. Hada wa shahid. Wa kama qala ta'ala ou in ahadun min mushrikin stajaraka fa ajiru hatta yasma' kalam Allah thumma ablihum ma'mana. Dhalika bainahum kumun la ya'lamun. Et que si jamais un des mushrikin te demande refuge, alors abrite-le afin qu'il entende quoi? La parole d'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla s'est affirmé la parole. Et cette parole, elle est incréée. Wa qala ta'ala yuriduna yubaddilu kalam Allah. Ils veulent changer la parole d'Allah. Donc, هذا هو الشاهد أن الله عز وجل يتكلم. Il parle. ومن كلامه القرآن. من la parole d'Allah عز وجل, le Coran. Est-il permis de jurer par le Coran? نعم. Comment on dit en français? Comment ils disent les gens en français? Sur le Coran. Sur le Coran. Et l'ajout. Il y a un ajout qui beaucoup ils font. Le bonus. Celui-ci, c'est quoi le Coran de la Mecque, ouais, Naam. Il vient d'où celui-là? Je me suis toujours demandé d'où il vient celui-là. La seule chose que j'ai trouvé comme... quand je dis celui-là, je parle de cet ajout, hein, ce terme. La seule chose que moi, depuis le temps que j'y réfléchis, c'est, je me dis que les gens ils s'imaginent qu'il y a un Mushaf à Mecca, préservé dans un coin, dans un musée, je ne sais où, intouché, donc sacré ou quoi, et que c'est jour par ce Coran de la Mecque. Qu'à Mecca, il y a un Coran, comme c'était le premier manuscrit qui était arrivé, il écrit la Mecca. On dit chercher, vous n'avez pas le trouvé celui-là. Car Othman, à son époque, a fait brûler tous les masahif qui étaient dispersés pour les unir dans un seul. Il était le Médine, il n'était pas à Mecca. Donc il y a des manuscrits anciens, certes, mais le Coran de la Mecque sur lequel ces gens-là jurent, il n'existe pas. Et même s'il existait, ils n'auraient pas le droit de jurer sur eux. Parce qu'eux, ils disent quoi? Le livre. Ils ne disent pas la parole d'Allah, Azzawajal. Sans quoi la parole d'Allah, quel aime Allah, il est partout. Il est partout. Maintenant, il y a des actes qui ont plus de mérite ailleurs. Certes, les actes que tu vas faire à Mecca auront plus de mérite que tu vas le faire, ce que tu vas faire à Vitry. Certes. Mais le kalam d'Allah Azzawajal, qu'il soit à Vitry ou à Mecca, c'est le même. En lui-même. C'est le même. Donc, Coran de la Mecque, il faut que les gens les arrêtent avec ça. On archa alayhim ne shirk al ashar, lorsqu'ils jouent par le Coran de la Mecque. Tu vois. On craint pour eux du shirk ashar. Car s'ils visent par là un objet, un manuscrit, donc ils ont juré par autre qu'un attribut d'Allah Azzawajal, wada wa shirk. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan falyahlif billah ou liyasmut. Celui qui jure par Allah ou qu'il se taise. Donc il t'est permis de jurer par Allah ou par ses noms ou ses attributs. Amal le Coran de la Mecque, que ces gens les visent lorsqu'ils jurent, ce Coran, ça serait une créature. Ou jurer par le Mushaf. Dans là, ils vont dire jure par le Coran, comme ils le disent. Tu vises quoi par le Coran? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'en as visé le livre, le Mushaf. Ça, c'est pas permis. Ou t'en as certains, maintenant, ils font dans les... Lorsqu'ils font une... comme une forme de jugement ou quoi, ils disent jure sur le Coran et mets ta main dessus. La main droite dessus. Ça, c'est ta clé des koufars, ça. Comme ils disent ouais, jure sur la Bible, mets ta main droite sur la Bible. Tu vois. On dit, il n'y a pas ça dans l'islam, tu mets ta main sur le Coran. À la base, à l'époque de l'islam, il n'y avait pas de Mushaf comme on l'a aujourd'hui, là. Tout réuni en un seul livre, il n'y avait pas. C'était appris par cœur et c'était écrit sur des différents supports, dispersés justement par-ci, par-là. Qu'après Othman a réuni en un seul kitab avec son écriture. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit le Coran ou le Mushaf, le Khat al-Othmani, l'écriture de Othman. Il y a tout réuni pour que les muslims ne se dispersent pas et ne se divisent pas. Donc, mettre ta main droite sur le Coran pour jurer, ça n'existe pas, ça. Tu jures sur le Coran, tu vises par Allah, le kalam d'Allah Azawajal, et ta main droite, tu n'as pas besoin de la poser sur le Mus'haf. Ça, c'est une bid'a. Et si, quand tu jures par le livre, là, c'est le shirk. Donc, le shahid à retenir, c'est que Allah Azawajal, min sifatihi al-kalam, la parole. D'accord ? Ou a dit sifat fi'liya, ou a kazalik zatiya. C'est une sifat qui est liée à son essence, car Allah Azawajal, la parole, c'est une chose dont il peut se délier, et fi'liya qu'il fait quand il veut, comme il veut. Quand il veut et comme il veut. Qala fawaid al-hadith. Les enseignements de ce hadith. Isbat sifat al-kalam lillahi ta'ala. Donc on y voit l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, le Coran, kalam Allah ta'ala, munazzal ghayr makhluq. Et que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est descendue et qui est incréée. Et le fait de dire munazzal, ça prouve que Allah subhanahu il est en haut. Thalithan, as-sabr ala al-adha fi tablir al-Qur'an wa sunnat linnas. Qu'il faut patienter, endurer face aux obstacles et aux nuisances lorsque l'on retransmet le Coran et la sunna aux gens. C'est inévitable que tu vas devoir affronter. Donc comme on dit une fois de plus, il faut arrêter les jérémiades, islamophobie, ça ne sert à rien. Au contraire, prépare-toi à ce qui va t'arriver, à ce que tu vas faire d'arwa. Justement, quand ça va arriver, comme a qu'allait as-sahaba, hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Justement, lorsque les sahaba, ils ont vu les ennemis s'assembler autour d'eux, ils ont dit, c'est ce que Allah et son messager nous ont promis. T'imagines, ils sont devant l'ennemi, ils disent, voilà ce que nous a promis, ça devait arriver. Ils ont dit, et Allah et son messager ont dit vrai. Et cela leur a ajouté quoi? De la foi. Alors qu'aujourd'hui, ça nous fait pleurer, ça nous fait fuir. Et dire, ouais, comme si on avait été trahi. Pourquoi ça m'arrive tout ça alors que je suis un croyant? Pourtant, je fais la salade, je fais le ciel, pourquoi j'ai des problèmes? Bah, c'est parce que t'es un croyant. Tu fais la salade, tu fais le ciel. Ça va avec. Comme quelqu'un qui va sous la pluie, il dit, pourquoi je suis mouillé? Tu vois? Parce que t'es sous la pluie. Tu peux pas être mouillé. Reste chez toi. Tu vois? À me courir entre les gouttes, tu n'y arriveras pas. Même tu mets un parapluie, tu vas te mouiller. Tu n'échapperas pas aux gouttes d'eau. Donc tu ne veux pas te mouiller, reste chez toi. Même chez toi, tu n'es pas à l'abri qu'il n'y ait pas une fuite d'eau, ça explose chez toi et tu es trempé. Et quand l'épreuve, elle vient où que tu sois. Hein. Tu veux fuir la pluie, tu arrives chez toi, il y a une fuite d'eau, ta tuyauterie, elle explose, ça y est, ta maison est inondée. Tu laisses prendre la vivité de la pluie chez moi, c'est inondé maintenant. Si Allah, il veut, où que tu sois, si Allah, il veut t'éprouver, il va t'éprouver. Donc va de l'avant. Allah, va de l'avant. C'est mieux. Mais selon tes capacités, bien sûr. Ah, mais les pleurnicheries, les plaintes, Wallah, la main, enfin. C'est comme si tu critiquais ce qu'Allah, il avait déjà Qadar pour toi. Ces gens s'en rendent compte, ils arrivent à ça. Hein. C'est comme si tu disais que, pourquoi Allah, il a Qadar qu'en croyant en lui, j'aurai des problèmes. En fait, tu n'es pas content. Tu contestes. Tu vois? Et ça, c'est très, très grave. On répète aux gens, le Jannah, il n'est pas gratuit. Hein. Le Jannah, قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب بالاشتراك احدكم والنار كذلك le jannah est plus proche de l'un d'entre vous que les lacets de sa chaussure et le feu aussi. Le jannah il est proche mais il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit. Et les gens ils veulent avoir une vie tranquille et avoir le jannah à la fin. On dit non, ça va pas ensemble. Si tu veux le jannah, il va falloir que tu subisses quelque chose en ce bas monde. Le jannah c'est pas là tu as la belle vie, d'accord? Tout est planifié, tout va bien, tout est garanti, tout est sécurisé et à la fin tu meurs et tu rentres au jannah en plus. Ah, la vie, elle est belle, mais elle n'est pas comme ça. Et tu as juste à voir comment ont vécu les prophètes, et tu sauras ce qui t'attend. Et comment ont vécu ce qui était avec eux, et que les gens dont Allah a fait les éloges, et tu sauras ce qui t'attend, de base. Mais quand les gens vivent dans autre chose, ils vivent dans l'artificiel, et dans le fictif, et ce qu'il y a à la télé sur les réseaux, oui, ils ne comprennent pas, malheureusement. Et ça, c'est le djel, car les gens sont éloignés de la religion. Thumakal, anna min asbab nasrat da'wa wa himayatiha. Wujud, Kabila, Raziza, Mani'a. Et parmi les causes qui permettent de pouvoir secourir la Darwa et la protéger, c'est que tu as avec toi une tribu. Quand on dit une tribu, c'est un groupe de personnes qui te protègent. Donc il faut que tu aies des Ansar. Parce que des fois, tu ne pourras rien faire. Tu n'as pas de protection. Tu es exposé au mal des gens. D'accord ? Et des Ansar, bien sûr, c'est tu as des vrais Ansar. Ce n'est pas tu as des gens qui sont là, tu vas prendre des mauvais entourages. Tu prends les bonnes personnes. Les gens qui sont dans ta darawa, qui l'acceptent et qui y croient. Et après, chacun avec son intérêt qu'il peut t'apporter. T'en as, il a telle fonction, t'en as, il a tel statut, ainsi de suite, et t'aides parce qu'il a. T'en as, c'est avec leur argent, t'en as, c'est avec leur rang, t'en as, c'est avec différentes choses. D'accord ? Chacun comme il peut. Khamisan, an nas kanu yahujjun al-bayt al-haram fil jahiliya. Que les gens faisaient le hajj dans la jahiliya également. D'accord ? Le hajj, c'est une ibada qui est connue de même. Sadisan, an da'wata ila Allah تجيب على كل مسلم بما يقدر عليه إن لم يقم به غيره. Et que la da'wa, c'est une chose qui est, c'est une obligation individuelle pour chaque musulman tant qu'il n'y a pas autre qui l'a fait. C'est-à-dire chacun doit boucher le trou. Et chacun doit y participer. Et à son niveau également. Et comme on dit, la da'wa n'est pas limitée à un ders, à une khutba, à ainsi de suite. La da'wa, tu l'as fait dans plein de domaines. C'est très très large. Chacun à son niveau et selon ses capacités. نعم هذا الذي أخذنا اليوم طيب نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته